Chapitre deuxième. Le jeune Denis Diderot réfléchissait donc, assis sur son matelas. Si par hasard un huissier famélique avait été chargé de dresser l'inventaire du mobilier et qui garnissait son taudis, voici ce qu'il aurait sans doute consigné sur son papier crasseux, dans cet inaltérable jargon judiciaire que rien n'a pu corrompre tant il est expressif. Dans une chambre, sise au sixième étage d'une maison de la rue Taranne, mansardée triangulairement et recevant le jour par une ouverture dite à tabatière, un matelas en loques, une caisse en bois de sapin défoncé servant de table ou d'escabeau, 2, se hissèle table, un chandelier de fer rouillé et bosselé, contenant un bout de chandelle presque entièrement consumé, 3, dans un coin à droite, une cruche d'eau ébréchée et à gauche une paire de chaussures hors d'usage, 4, à terre, un cahier de papier sur lequel est écrit « Traduction du premier chant d'Homère », 5, 4 volumes en mauvais état portant titre « L'Iliade »,« Newton »,« Locke » et « Clarisse Harlow ». Lesquels objets, à l'exception des livres loués au prochain cabinet de lecture, ainsi qu'il la paire des estampilles, nous ont été déclarés être la pleine et entière propriété de Dame Christine Béchet, logeuse en garni de la maison ci-dessus désignée. Et attendu que son locataire, lequel a également déclaré se nommer Denis Diderot, sans état, métier ni profession autre que celle d'étudiant, est couvert des seules hardes qui composent ses effets de linge et d'habillement, avons dressé le présent procès-verbal de carence et lui en avons laissé cette copie, dont le coût est de